On m'a dit, la vie ne vaut rien. Mais quand on y pense, ouais, rien ne vaut la vie, rien ne vaut la vie, rien ne vaut la vie. Ça délire fort ce soir dans la boîte, Dieu le constate. Avec le sky qui s'éclate, le soir est bien arrosé. Et si son célibat, celui qui conduit est pété, mais on s'en bat. Alors on danse pour vider nos problèmes, pour connaître des filles et peut-être le mot je t'aime. Tout cela était avant la tragédie qui fait mal. Cette erreur de la vie qui bousille en général. On était fiers, mortels, entre potes, on kiffait ça. Le trip de bord en disco, shoot ça. Mais bon, la conscience est trop forte apparemment. On en fait des erreurs et on regrette fortement. Attends, je t'explique, voilà notre erreur. Voilà le malheur qui a fait saigner des cœurs. À 6 heures, ça ferme alors on trace la route. Assise dans la caisse, l'alcool et le shoot. On roule comme des ouf et on s'en tape des gens. D'habitude, j'assure quand je conduis, j'ai le réflexe. J'ai pas vu le stop, franchement c'est perplexe. Je peux pas t'expliquer, pour moi c'est complexe. Dérapage, police, tonneau, giclée de sang. À mon réveil paralysé à 20 ans, tu sais. On regrette énormément mais on s'en bat. Surtout quand ta vie s'est arrêtée en bas. Avec des si on ferait le monde, avec du recul c'est vrai que je voudrais que le temps se remonte. J'avais la chance de vivre, aujourd'hui je meurs dans ce lit d'hôpital. Mes proches viennent épargne, je me sens comme une bête en cage. Paralysé et ce en guise de barreau, la nuit j'en pleure, je rêve qu'on finisse d'une baston. Je me sens honteux de voir ma mère pleurer sur moi, je voudrais la rassurer. Mais je suis dans l'incapacité de la serrer dans mes bras. J'ai payé le prix de ma stupidité, une simple histoire d'orgueil que j'aurais dû mettre de côté. Une course sur l'autoroute poussée à l'extrême et résultat je me retrouve la colonne vertébrale brisée. Quitte à choisir j'aurais voulu y rester plutôt que voir la détresse de mes parents. Quand le docteur a dit que plus jamais je ne remarcherai. Les gens passent tour à tour mais les heures passent comme des siècles. J'ai honte de voir mon ex passer quand elle pleure, quand elle me touche, car je n'ai plus la sensation du toucher. Je suis trop jeune pour mourir, je respire encore mais je donnerai tout pour partir. Une tête remplie d'illusions, aujourd'hui défigurée avec un corps inanimé comme prison. Y'a plus d'hip-hop et je perds mon rôle de caïd. À présent je souffre en silence en jouant mon rôle d'invalide. On me pardonne et qu'on me laisse partir à celle que j'aime, à mes parents, à mes proches. Je vous quitte avec une fin à la cynique. Je vous aime, je vous quitte, mais dans le cœur je vous aime. Voilà ce qu'il en est. Ce qu'il en est apparemment, c'est pas facile, c'est comme ça. Tu sais, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Voilà ce qu'il en est. Ce qu'il en est apparemment, c'est pas facile, c'est comme ça. Tu sais, c'est difficile. Mais la vie, c'est comme ça.